Chapitre 14. Philippe Luc guérit subitement d'une fistule incurable. La guérison de Philippe Luc ne fut pas moins subite et parfaite. À l'âge d'environ 12 ans, il fut attaqué à la hanche d'une douleur très aiguë, qui se faisait sentir encore plus vivement quand il se remuait et l'empêchait de marcher librement. Cette douleur lui dura plus ou moins intense, près de 2 ans, au bout desquels elle se forma en tumeur qui, au moyen de quelques fomentations que la mère lui appliqua, s'ouvrit et jeta un peu de pus. Ensuite, elle se referma et peu de temps après, elle se rouvrit de nouveau. On fit venir successivement 3 des plus habiles médecins et chirurgiens qui eurent à peine visité la plaie qu'ils n'hésitèrent pas à déclarer d'une manière tout à fait uniforme qu'elle présentait tous les symptômes d'une fistule. Large d'environ 4 mm, profonde de 6 cm. Elle était d'une couleur livide et violette et avait les lèvres tombantes et calleuses. Pour pouvoir mieux être pansée, on conseilla au jeune homme de se faire transporter à l'hôpital de Saint-Jacques de Toulouse. Là, pendant 2 mois de suite, les médecins employèrent pour guérir le jeune malade toutes les ressources de leur art, mais toujours inutilement. La fistule, quoique effrayante en ce qui en paraissait extérieurement, était encore bien plus maligne et profonde intérieurement. Elle allait jusqu'à attaquer l'os, qui était déjà carié en partie. Voyant donc que tous les remèdes devenaient inutiles, le jeune homme sortit de l'hospice et retourna à Cornet-Barieux, sa patrie. Peu de jours après son retour, il entendit parler des nombreux miracles qui s'opéraient au tombeau de la vénérable Germaine et, sentant naître en son cœur une vive confiance qu'il guérirait, il résolut, sans plus attendre, d'aller à Pibrac. Il se mit donc en chemin et n'avait pas encore fait une lieue qu'il ressentit une grande douleur. Force lui fut de s'arrêter pour se reposer l'espace de 2 heures au milieu de la route. Et il dut encore plusieurs fois par la suite prier sa mère qui l'accompagnait de ralentir le pas parce qu'il ne pouvait la suivre. Arrivé à Pibrac, il entendit la messe et fit sa prière sur le tombeau de la vénérable Germaine, mais sans rien obtenir. Sa mère retourna au pays avec lui et, chemin faisant, elle se mit à exciter la confiance de son fils en la protection de la servante de Dieu, espérant obtenir plus tard ce qui n'était pas encore accordé pour le moment. Le voyage s'acheva. Sur la tombée de la nuit, le jeune homme se mit au lit et sa mère, après avoir pansé la plaie, la banda avec des linges qu'elle avait fait reposer à Pibrac sur le corps de la bienheureuse Germaine. Le jeune Philippe s'endormit alors d'un très paisible sommeil. Et, quelques heures plus tard, s'étant éveillé, il appela sa mère pour qu'elle vînt encore le panser. À peine l'appareil eut-il été levé que les linges furent trouvés très secs et la fistule entièrement fermée. Les médecins, à un miracle si inattendu, furent stupéfaits et l'un d'eux, le sieur Laurent Estévenet, « Quel ne fut pas, dit-il, mon étonnement lorsqu'on me présenta ce jeune homme parfaitement guéri. J'examinai la place où était auparavant la plaie et une cicatrice bien formée indiquait que le mal avait existé, mais n'existait plus du tout. Aucune difformité dans l'os, aucune disposition qui pût faire craindre le retour du mal. La cavité fistuleuse était fermée, et il ne s'en était pas formé d'autre. Je dois encore indiquer, comme étant un caractère certain d'une guérison miraculeuse, la souplesse de la peau et le ramollissement du tissu fibreux qui tapisse la cicatrice intérieure de la cavité fistuleuse. Ces paroles sont du médecin. La mère et le fils demeurèrent immobiles d'étonnement et, se répandant ensuite en larmes de tendresse et de dévotion, ils remercièrent sur l'heure la bienheureuse Germaine Cousin de sa toute amoureuse bienfaisance.